Enchantez vos oreilles, quatrième édition pour cette année 2015. Nous sommes bien le mercredi 1er avril 2015. Ça tombe bien, sortez vos oreilles, c'est l'émission de la programmation des MJC, des Forges et Pichon de Nancy. Bien sûr, je représente la MJC Pichon. Avec nous, aujourd'hui, il représente bien sûr la MJC des Forges. Monsieur Benoît, ça va? Ça va, Steve, ouais, ça va super. Un beau mois d'avril qui se présente. Oui, un peu venteux pour l'instant, mais ça va se calmer, on espère. Alors, aujourd'hui, journée spéciale, l'invité du jour. Alors là, c'est un invité exceptionnel, ouais. Mais c'est aussi grâce à la radio, les 30 ans de Fadjet. Alors en fait, on est un petit peu gêné parce que l'invité, c'est, on vous le dit maintenant, Steve, c'est Amanda Lear qui était là à l'occasion des 30 ans de Radio Fadjet. Elle a un petit peu de retard, elle va arriver. Donc du coup, Steve, ce que je te propose, oui, c'est qu'on va bouleverser un tout petit peu le programme. Si tu veux, oui. Et puis on va parler directement du concert de ce soir qui a lieu à la MJC Philippe Desforges. Auditorium Michel Pierson, où on reçoit deux artistes talentueux, Fabrice B à l'accordéon et Pierre-Alain Gouache au piano. Alors ces deux artistes sont venus travailler régulièrement à l'auditorium. Ils sont venus depuis la rentrée 2014. C'est vrai que cette salle, effectivement, c'est une salle de concert, mais comme à Pichon, elle sert aussi d'accueil de résidence, de travail d'artistes. Et c'était le cas pour ce concert de Fabrice B et Pierre-Alain Gouache. Ils ont monté un nouveau programme, de nouvelles compositions avec la suggestion, l'évocation, la rêverie, vraiment une jolie musique écrite par Fabrice Bay pour ces deux artistes, et c'est à découvrir donc ce soir à 20h30 à la MJC Philippe Desforges. Il reste encore des places et les tarifs de ce soir, je vous les redonne, c'est 7,50€ en pré-vente et 9€ sur place. Vous pouvez encore réserver au 03 83 27 40 53. Fabrice B, Pierre-Alain Gouache, ils ont déjà enregistré quelque chose comme ça pour nous faire découvrir leur musique. Et je vous propose, sans plus attendre, d'écouter donc un des titres tout nouvellement qui sera joué ce soir pour la première fois sur scène. Et ce titre, si je me trompe pas, Steve, c'est Mussa, c'est ça? Mussa, donc on va découvrir tout de suite. Allez, bonne écoute, et on se retrouve juste après. Dans Sortez vos oreilles en ce mois d'avril. Ou Moussa, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, on écoute cette belle musique ce soir à l'auditorium. Ouais. 20h30, Pierre-Alain Goual, show piano, Fabrice B à l'accordéon. Vraiment une belle musique à découvrir dans cette salle intimiste qui se prête absolument pour ce style de musique. Donc c'est ce soir. Steve, notre invité est arrivé pendant cette pause musicale. Bonjour Amanda Lear. C'est un plaisir de vous accueillir à nos micros Radio Fadjet. 30 ans pour à l'occasion des 30 ans de Radio Fadjet. Et vraiment ça nous fait un grand plaisir de vous accueillir ici dans cette émission. Bonjour. Bonjour Steve, bonjour Benoît, merci de votre accueil. On est très heureux de vous accueillir. Alors on va discuter ensemble, hein. C'est vrai que c'est les 30 ans de Fadjet et c'est à cette occasion je le rappelle qu'on vous accueille. Vous serez ce soir même à Radio Fadjet pour une séance de dédicace, c'est 18h30 Steve, je sais plus. Oui c'est ça, 18h. Merci. et voilà, vous êtes en retard un petit peu souvent vos rendez-vous comme ça avant d'aller. Pardonnez-moi, je j'ai un souci de taxi ce matin. Non, c'est pas vrai. En fait, j'ai vu Fabienne Marchal, la directrice de Radio Fadjet, discuter avec vous dans le couloir. Oui. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses à organiser pour cet anniversaire-là des 30 ans. Voilà, Steve, alors on se présente, Steve et moi, on fait de la programmation dans des MJC. Effectivement, c'est pas le genre de salle que vous avez l'habitude de fréquenter, je suppose. Effectivement, non. Bon, je suis habitué à des choses un peu plus glamour. Ceci dit, j'aime beaucoup le côté un petit peu intimiste des salles, et c'est vrai que c'est quelque chose vers lequel j'aimerais me tourner, le côté intime, ça m'intéresse beaucoup. Ça vous intéresse? Eh bien, écoutez, moi, après les dédicaces, je serais heureuse de vous accueillir à l'auditorium. Hein. Vous pourrez découvrir ce lieu et c'est avec un plaisir qu'on vous accueillera, bien sûr. Écoutez, merci. Amanda Lear, on vous appelle comment? Comment je dois vous appeler d'ailleurs? Écoutez, appelez-moi Amanda, ce sera parfait. Tu oseras, Steve, appeler Madame Lear, Amanda? Je ne sais pas trop, parce que je suis quand même un petit peu impressionné. Je n'ai pas Amanda Lear tous les jours avec nous, mais je ne sais pas si je peux vous appeler Amanda. Amanda, je veux bien, sinon je peux vous appeler autrement. Mais moi aussi, je peux vous faire visiter, si vous voulez, la maison de Pichon et notamment les loges de la salle de spectacle. Elles sont assez spacieuse, mais intimiste. Intimiste aussi. Parfait. C'est tout le, voilà, tout le. Et Amanda Lear, vous êtes en dédicace, vous dédicacez ce soir votre nouvel album, c'est ça? Oui, alors c'est un album qui me tient à cœur parce que donc il est sorti l'an dernier. C'est un album de reprise de mon idole, Elvis Presley. Voilà, bon, comme tout le monde le sait, j'aime beaucoup les bananes. C'est vrai que mon Elvis, plus grand regret que j'ai eu, c'est ne pas avoir pu toucher sa banane en fait, qui était quand même assez mythique. Et j'ai avec mon producteur, on a beaucoup échangé et on est parvenu à enregistrer ces titres phares d'Elvis. Avec des musiciens qui ont joué avec Elvis Presley d'ailleurs sur cet album. Et je ne sais pas si tu l'as entendu cet album, il est absolument... J'ai pas eu l'occasion, mais... Il est splendide. Malheureusement, je n'ai pas forcément suivi, mais il y a eu une tournée qui était avec ce disque ou pas? Une tournée, oui, bon, qui s'organise encore un petit peu dans des grandes salles. C'est vrai que du coup, Elvis Presley, c'est un artiste qui parle à beaucoup de gens, et beaucoup de gens qui sont nostalgiques, moi la première. L'occasion de cette dédicace, de faire vivre un petit peu aussi cet album ce soir à Fadjet. Eh ben on vous remercie d'avance. Ce que je peux vous proposer, alors c'est vrai que Elvis, le côté rock, ça n'a pas toujours été votre répertoire, Amanda Lear. Non, pas du tout. On a été on vous connaît notamment pour la disco, enfin voilà, c'est quand même ce qui nous fait danser encore, notamment en boîte, enfin c'est la musique d'Amanda Lear qui nous fait danser. Et Amanda Lear, c'est un petit peu Amanda Lear version Elvis Presley, c'est un peu autre chose, c'est un tournant. un tournant, vous parlez de rock, moi j'ai envie de parler de glamour. C'est vrai que bon, être une femme, chanter Elvis, ça pourrait être assez étonnant. J'avais envie de ce côté glamour et lui rendre hommage à ma manière. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause à Amanda Lear et d'écouter. Alors, j'ai choisi un titre parmi tant d'autres, mais un que j'aime particulièrement, c'est un tube. C'est Queen of Chinatown. Et voilà, on écoute ça et on se retrouve tout de suite pour l'interview, la suite de l'interview avec Amanda Lear. Merci. She runs all the opium den down in Chinatown. Bring her your gold, bring her your worries, and when life gets a bit too dreary to stay, give a ring to the Queen of Chinatown. When you're feeling down, go to Chinatown. When your friends have let you down, go to Chinatown. When life is bad, when love is sorry, and it gets more than you can possibly stand, give a ring to the Queen of Chinatown. She'll pick you up when you're feeling down. Un petit peu délicate. Alors, C'était Queen of Chinatown en lien avec notre invité du jour, Benoît. Amanda Lear, qui nous fait le plaisir d'être ce soir, enfin aujourd'hui avec nous. Et je le rappelle, ce soir en dédicace à 18h30. On la retrouve dès la fin de l'émission, 18h-18h30, pour une séance de dédicace à Radio Fadjet, donc c'est rue Charles III à Nancy. Amanda Lear, on continue un petit peu l'interview si vous le voulez bien. Merci. On parlait de votre dernier album et les influences rockabilly d'Elvis Presley. On venait d'écouter un titre plus disco qui était des années 70-80, si je me trompe 77. Pas. 77. Et ben, alors j'avais un an, Steve, en 77. Ah bon? Ah ouais. Oui, j'avais un an, 77. Et je n'ai pas souvenir d'avoir dansé sur Queen of Chinatown. Oui, c'est peut-être un peu juste. Mais... C'était peut-être un peu juste, effectivement. Amanda Lear, parlez-nous de votre histoire d'amour avec Radio Fadjet, puisque vous n'êtes pas là par hasard, on va en parler. C'est effectivement, il y a 30 ans, vous étiez une des premières invitées à l'émission et vous aviez un autre succès qu'aujourd'hui, en fait, et vous tourniez encore à l'époque, dans un autre registre, c'est ça? Oui, bon, c'est vrai qu'à l'époque, on peut dire même que j'étais la marraine de Radio Fadjet. C'était l'époque baignée des radios libres qui fleurissaient un petit peu partout en France. J'ai une affection toute particulière pour Nancy, ça c'est connu. Je viens régulièrement incognito à Nancy. Comment on fait pour venir incognito à Nancy qu'on s'appelle Amanda Lear? Eh bien, écoutez, on essaye de sortir dans des lieux peu fréquentés par les gens. Bon, voilà, c'est vrai que depuis quelques années, j'ai noué des connaissances sur Nancy, des amis qui sont très chers. Voilà, la fameuse place Stanislas qui est très rutilante. Bon, de toute façon, voilà, Nancy, c'est l'endroit que j'adore. Ça me permet toujours de sucer quelques bergamotes. La spécialité locale, voilà, donc j'ai cet attachement pour Nancy, donc naturellement pour Radio Fadjet. Et puis on peut préciser aussi que vous êtes présente avec nous aujourd'hui parce que hier soir vous étiez aussi l'invité à l'occasion des rencontres de films, c'est ça? Et vous étiez il y avait une rencontre avec les frères Dardenne à l'hôtel de ville et vous étiez invité avec les frères Dardenne dans lequel où vous allez tourner, c'est ça? Je ne sais plus. Ah bon, alors bon, c'est encore un scoop, Benoît, on ne vous cache rien. Effectivement, bon voilà, j'avais été contacté pour participer au tournage d'un film. C'était la corde qui manquait à mon arc. C'est vrai que bon, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la chanson, j'ai été la muse de Dali. J'ai fait énormément de choses, j'ai présenté des émissions de télévision. Il y a une chose que j'aurais aimé faire dans ma vie, c'était faire du cinéma. Et les deux frères Dardenne me donnent la possibilité de réaliser ce rêve et je vais jouer le rôle principal dans leur prochain film. Qui s'appelle écoutez, La visite de la vieille dame. La visite de la vieille dame, et le tournage est prévu à Nancy ou non, c'est ailleurs? Non, pas du tout, c'est un tournage qui est prévu à Prague. Nous avons déjà commencé quelques petits rendez-vous et j'avoue que je suis très impatiente que ça démarre. Oui, j'imagine une forte excitation chez vous. Toujours. Pour ce premier essai, premier. Les premières fois sont toujours des moments excitants, cher Benoît. merci Amanda. Pour terminer cette interview, je propose toujours à nos invités un questionnaire. Alors ils ont le choix entre deux questionnaires, soit ré mineur ou la majeure. Alors je ne sais pas, Amanda Lear. Bon, écoutez, j'aurais préféré ré majeur, mais bon, partons sur le mineur. J'ai envie d'un petit peu de douceur, cher Benoît. Alors première question, cher Amanda. Le truc que vous n'aimez pas faire? J'aurais envie de dire la vaisselle. J'imagine mal Amanda Lear avec des gants roses MAPA. J'en ai, mais je fais confiance à mon lave-vaisselle pour le coup. La musique que vous écoutez quand vous avez le blues, on a parlé d'Elvis Presley, est-ce qu'il fait partie de cette discothèque-là? C'est effectivement, je dirais, oui, alors effectivement, il y a Elvis, puisque c'est un de mes idoles, mais je vais rester aussi sur quelque chose qui me touche énormément. C'est Mick Jagger. Voilà, c'est quelqu'un qui me, bon, qui m'a touché, hein, puisque c'est quand même un secret pour personne. Dans les années 70, nous n'avons formé qu'un. Mais voilà, Mick Jagger, je continue à beaucoup apprécier cet artiste. Hein. Amanda Lear, votre dernier chagrin, il date de quand ? C'est forcément un chagrin d'amour. Après, je n'en dirai pas davantage. Et vous allez où, vous, quand vous voulez vous retrouver seul ? Vous avez un lieu précis ? On a parlé de Nancy, mais je suppose que vous avez un appartement à... Alors, je dirais que ce sera dans ma maison à Villeneuve-des-Avignon. Oui, c'est un endroit, c'est mon refuge. Et dernière question de ce questionnaire, avez-vous des regrets à Mandalire ? Alors le cinéma, non, puisque vous allez tourner, on vient d'en parler. Et avez-vous des regrets ? Alors, bon, c'est vrai que je garde une image extrêmement forte de la collaboration que j'ai eue avec Dali. C'est un secret pour personne non plus, j'ai toujours aimé ses coups de pinceau. Maintenant, c'est vrai que j'aurais aimé, et ça peut-être que c'est un regret, j'aurais aimé connaître Picasso, mais j'aurais aimé être sa muse. Voilà. Écoutez, moi je n'aurais pas de regret, parce que j'ai eu la chance de... Steve, on a eu la chance d'interviewer Amanda Lear un jour dans notre ville. Merci. Et on vous remercie vraiment de nous avoir accordé un petit peu de votre temps aujourd'hui. Amanda Lear, on va se quitter avec un dernier titre d'Amanda Lear pour le temps de se dire au revoir. Et je vous le dédicace. Oh, mais merci, ça nous fait vraiment plaisir. Je suis ému, vraiment ému. Et le titre c'est Enigma. Et puis, ma foi, si vous souhaitez ou pas, si vous avez le temps, vous pouvez rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. En tout cas, on vous retrouve, les auditeurs de Fadjet vous retrouvent dès la fin de cette émission à 18h30 pour une séance de dédicace ici à Radio Fadjet, rue Charles III à Nancy. Merci beaucoup de votre accueil. Avec la délicieuse et charmante Amanda Lear qui est venue pour une interview. Et qu'on trouvera à 18h. À 18h. Ici même à Fadette, 47 rue Charles III. Pour une séance de dédicace. Profitez-en. Profitez-en. C'est pas toujours. Hein, que... Mais non, mais elle nous a expliqué tout ça, sa venue, les origines de Fadette, les 30 ans, etc. Et c'était un moment absolument délicieux, comme c'est souvent le cas, je crois, avec Amanda Lear. Steve, l'agenda de Pichon? L'agenda de Pichon, on y va immédiatement, on va vous dire tout ce qui se passe. Ce mois-ci, au mois d'avril, et c'est pas mal chargé, si je puis dire. Allons-y. Alors, on commence effectivement avec bien sûr l'humour, parce que on vient de fêter le premier tremplin de l'humour de la MC Pichon. Ça s'est très bien passé. Les lauréats cette année, Marine et Romain et Fred North, le Strasbourgeois, qui se verront donc travailler en résidence à la MJC Pichon et proposer leur spectacle d'ici la fin de l'année. Et notamment Romain et Marine, déjà c'est quasiment fait pour fin novembre. Ils ont encore du travail, mais d'ici là ça sera largement prêt. Et surtout on leur souhaite un beau succès, parce qu'ils ont vraiment fait un tabac. Et un autre tabac, c'était la marraine Fabienne Durand, qui était marraine de la première édition de vendredi soir 3. Donc elle a joué le vendredi soir et effectivement le 20 mars quelques minutes, et vous la verrez entièrement, complètement, une heure durant, Fabienne Durand, à 20h30 ce vendredi 3 avril, les tarifs 6,50, 7,50 et 9 €. Donc elle, c'est une Nantaise, elle est passée par Lyon, elle vient s'installer en Lorraine enfin. Donc elle commence par Pichon et c'est très, et là effectivement on sait déjà qu'il y a pas mal de personnes, donc il ne faut pas hésiter à réserver vos places sur le www.mjcpichon.com. C'est important parce que ça sera, je pense, quasiment plein, donc n'hésitez pas. Également l'autre parrain, l'autre parrain de ce tremplin, il vient jouer lui samedi 4 avril, hein, chacun son tour. C'est Laurent Arnoux, c'est le Strasbourgeois qui propose en avant-première son dernier spectacle avant de faire le Zénith de Strasbourg le 10 avril. Il est également parrain donc de ce tremplin d'humour de Pichon. C'est ce samedi 4 avril, pareil, c'est les mêmes tarifs, 6,50 en prévente et 9 € le soir même. Voilà, ça c'est pour l'humour. Aussi de l'humour encore, le théâtre d'improvisation avec un Prodisiac qui rencontrera la Ligue de Brest. Là, c'est la Libido, hein, du coup on pense forcément notre invité d'avant, la Libido de Brest, qui viendra affronter donc un Prodisiac. Les tarifs 4 et 6 €, c'est le samedi 11 avril à 20h30. De la musique aussi. Ah bah tiens, ça me fait aussi penser, en faisant le lien entre l'humour et la chanson, le jeune public, hein, il y a pas de lien, mais bon, c'est pas grave. Le fabuleux voyage des frères Koukouniov, ça sera le jeudi 23 avril à 10h et 15h. Et donc, les tarifs 3 € et 4,50 € sur place. Donc, c'est un nouveau projet, avec d'ailleurs David Deluillier, que je pense que Benoît connaît forcément, je pense, ce batteur. Non, d'accord, bon. Alors, ceux qui le connaissent, il joue, par exemple, avec Manu Etienne, voilà. Voilà, d'accord. Ça y est, c'est bon. C'est revenu. Oui. Donc là, c'est une création originale de la compagnie D2, à mi-chemin entre un concert rock acoustique et aussi un court-métrage avec de la vidéo. Donc, c'est un tout nouveau concept à découvrir le jeudi 23 avril à 10h et 15h. C'est le fabuleux voyage des frères Koukouniov. Donc, de la musique, je vous le disais, Trio Award, qui vient jouer le vendredi 10 avril à 20h30. Le tarif 7 et 10 euros proposé par l'association ATMF et le CLEM, Trio Iwar. C'est de la musique du monde, on peut le préciser. Oui, bien sûr, oui, avec des musiciens pakistanais, il me semble, c'est un trio. C'est un trio. Voilà. Et donc des percussions, et c'est absolument à découvrir, c'est splendide, et c'est le 10 avril à Pichon. Oui. C'est ça. Merci Benoît, effectivement. Et dans notre style, Red House Power Trio, Jimi Hendrix Cover, c'est le samedi 18 avril à 20h30, tarif 7, 8 et 9 euros. Donc ce cover de Jimi Hendrix, Red House Power Trio, le samedi 18 avril. Également, les Baladins présentent Gérard Morel en concert vendredi 24 avril à 20h30. Ça se passe donc toujours à Pichon, tarif 12 et 14 euros. Et on termine la partie musicale avec Fuite de Jazz en concert le jeudi 30 avril à 20h30, les tarifs 6,50, 7,50 et 9 euros. Fuite de Jazz qui est un big band. Big band, hein, a priori, ils sont nombreux. C'est un grand orchestre de musiciens amateurs et qui, on avait accueilli d'ailleurs sur le festival Free Days il y a un an ou deux. Et on reparlera tout à l'heure d'ailleurs du festival Free Days, ce festival de musique amateur que la MJC des Forges organise les 1, 2, 3 juillet prochains. Avec plaisir. On continue tout à l'heure pour les autres petites activités et expositions de Pichon. Est-ce qu'on peut continuer avec des forges, monsieur? Oui, bien sûr. On va continuer l'agenda, reprendre des dates qui sont déjà. On parlait du 10 avril à Pichon avec de la musique du monde. À l'auditorium Michel Pierson de la MJC des Forges, il y aura du classique, un récital de piano proposé par Myriam Dubé-Lorizé. Myriam Dubé-Lorizé, elle est d'origine québécoise et elle enseigne le piano à l'école de musique de la MJC des Forges. Et elle nous proposera un récital avec des œuvres de Bach, Mozart, Liszt, Schubert et puis Prokofiev également. C'est un récital de piano. Le tarif d'entrée est à 5 euros à 20h30 le mercredi 10 avril à Des Forges. Et puis un autre concert le 16 avril, jeudi 16 avril, les Shoplifters. Shoplifters qui est comme le concert de ce soir, un groupe qui est venu travailler à l'auditorium régulièrement. Ça fait plus d'un an qu'ils viennent faire des sessions de résidence. Et les Shoplifters, ce sont 5 musiciens talentueux. Alexandra Pratt au chant, Michael Cuvillon au saxophone, Philippe Canova à la guitare, Sébastien Maire à la contrebasse et Christian Mariotto à la batterie. Les Shoplifters, ce sont ces 5 musiciens venus du jazz qui se réapproprient la pop anglaise des années 80 avec des titres de Joy Division, de The Cure, des Smiths, de Lou Reed, etc. Et on va écouter d'ailleurs dans quelques instants un titre de Lou Reed à l'époque des Velvet Underground qui s'appelle Candy Says. Mais avant ça, je voudrais vous rappeler donc cette date de ce concert qu'il ne faut pas manquer. Les Shoplifters, le jeudi 16 avril à la MJC des Forges. Les réservations, c'est au 03 83 27 40 53. Et je vous parlais de la chanteuse Alexandra Pratt qui chante dans les Shoplifters, que l'on va retrouver dans l'émission qui suit à 18h30. Elle va venir nous parler de d'Arita, son autre projet, puisqu'elle nous donne rendez-vous le jeudi 9 avril à l'autre canal, où elle enregistre avec ses compères Bernard Brand à la basse, Sébastien Marat à la guitare et Shrek à la batterie, un album live autour du programme programme Arita chante Lassa. C'est à l'autre canal le 9 avril. C'est gratuit. Arita a besoin de public pour que ça sonne un peu mieux sur cet album live. Rendez-vous à l'autre canal, c'est gratuit, le 9 avril, et découvrez cette voix fabuleuse qu'a Alexandra Pratt. Et puis à 18h30, vous en saurez plus sur ce groupe et ce projet dans l'émission Sous toutes les cultures, il me semble. À 18h30, c'est sur cette même antenne, 94.2 FM. Fat Jet. Voilà. Et sinon, on écoutera Shoplifters le 16 avril et la voix d'Alexandra Pratt à l'auditorium Michel Pierson. Et tout de suite, dans Candy Says, un titre des Velvet Underground repris par les Shoplifters. Voix d'Alexandra Pratt et les Shoplifters qui seront donc en concert le jeudi 16 avril à l'auditorium Michel Pierson de la MJC des Forges. Toutes les informations sur mjc-desforges.com et puis donc le concert à 20h30, vous pouvez réserver vos places au 03 83 27 40 53, 5€ en pré-vente et 8€ sur place. Voilà Steve. Steve, on accueille un deuxième invité dans cette émission. Après avoir discuté avec Amanda Lear, peut-être tu, Anne-Gaëlle, Anne-Laure, voilà, je l'ai fait. Hein. Oui, c'est sûr. Anne-Laure, tu as croisé Amanda Lear, ça fait quelle impression de croiser Amanda Lear? Attends, pardon, excuse-moi. Ah bah non, voilà. Je change le micro, pardon. Ah, ça va mieux. Voilà, voilà, c'est mieux. Oui, c'est super impressionnant. Ah, mais super impressionnant. Et puis finalement. J'ai oublié de faire ma photo avec d'ailleurs. Eh ben c'est dommage, parce que nous aussi on l'a pas fait du coup. J'étais tellement impressionné. Bah, j'étais pas bien habillé, je trouve. Enfin, je savais pas, j'étais un petit peu. Et puis c'est quelqu'un d'abordable, donc je vous invite vraiment à revenir. Hein, donc on l'a pas dit assez ce soir à partir de 18h, 18h30 au siège de la radio, rue Charles III, pour une séance de dédicace avec Amanda Lear. Pour l'heure, Anne-Laure, la masse hystérique fait son festival du 3 au 4 avril 2015. Super. Oui, c'est déjà la quatrième édition. Quatrième édition avec plein d'invités. Et ben, tu nous présentes un petit peu le programme, Anne-Laure. Alors, donc le vendredi 3 avril, c'est une soirée chanson française. Donc on a donné carte blanche au groupe Les Garçons Trottoirs et ils ont invité leurs amis, dont Florent Vintrinier qui est de la rue Quétanou, Laura Ken, qu'on ne présente plus ici. Et qui sera ce soir en première partie d'Arthur H à l'autre canal. Alors. Oui, c'est demain d'ailleurs. C'est demain, pardon. Oui, ben voilà. Pardon. Il y aura Dame, donc anciennement Robert Dame, Daniel Fernandez qui est le compagnon de route de Yves Jamais, et il y aura Marco et les Ferrailleurs, Marco qui était dans Les Garçons Trottoirs au tout début du groupe. Donc voilà, ce sera une soirée très festive, chanson française. Et puis le lendemain, c'est une autre ambiance, c'est plus pop rock avec un petit peu de funk, avec donc Dead Stereo Boots, Mysterias. Mysterias, c'est beaucoup de funk. Voilà, c'est la petite touche de funk qui manquait au festival. Il y aura Last Train, donc c'est un groupe de Mulhouse et qui seront au Printemps de Bourges à la fin du mois. Ils ont raté le dernier train, c'est pour ça qu'ils sont pas repartis à Mulhouse. Oui, c'est mieux qu'ils soient restés là, hein, ils peuvent foutre. Et puis il y aura aussi Dirty Red Shirt, c'est Borderline Case. Et ben, c'est un super programme et ça se passe à Tomblaine. À Tomblaine, à l'espace Jean Jaurès. À l'espace Jean Jaurès. On peut réserver nos places? Tout à fait. Alors c'est 10 euros en prévente. Donc soit vous pouvez les acheter chez Tom Jouet à Tomblaine. Sinon il y a tous les réseaux Ticketnet, Fnac, tout ça. Et sur place c'est 12 euros, sauf pour les étudiants où ce sera 10 euros aussi. La masse hystérique fait son festival, mais elle ne fait pas que ça. La masse hystérique, qu'est-ce qu'elle fait aussi, la masse hystérique? Elle fait plein de choses. Elle fait plein de choses. On organise des concerts à droite à gauche, on promeut vraiment les artistes du coin. Et puis, on fait la promotion, voilà. Des artistes locaux, pardon, tu disais, c'est oui, ça? Oui, des artistes du coin. Voilà. Du coin de la rue ou du coin de la rue de Lorraine? Du coin de la rue de Fadjet. Mais en fait, nous, on plaisante, okay. Mais parce que avec Pichon et Desforges, on accueille de temps en temps ou régulièrement, plus régulièrement, des artistes qui sont effectivement promus par la masse hystérique. Oui. Avec plaisir d'ailleurs. Voilà. Vous êtes combien de bénévoles là, sur cette action-là? Alors, on a recruté, maintenant nous sommes 13. Ah bien. Dont un garçon et 12 filles. Voilà. Ah ouais? Ah ouais, donc c'est une vraie masse hystérique féminine, quoi. C'est ça. C'est une volonté ou c'est. Non, ça se fait comme ça. Voilà. Ah. Le seul garçon qui est dans l'association, c'est notre trésorier, c'est mon papa. Voilà. Ah d'accord. D'accord. Que l'on salue. Si tout nous écoute, à fait. J'espère. Benoît? Steve? Oui. Je voulais dire quelque chose, mais je me souviens plus. Ah d'accord. Ça, j'avais une autre actualité ici. Si, je voulais parler de la galerie Soclet-Simez. Oui, bien sûr. Puisqu'il y a un vernissage, ce vendredi 3 avril à la MJC des Forges. Vous êtes les bienvenus et l'artiste qui expose, c'est Béatrice Vidouk, qui nous proposera donc des peintures. Donc le vernissage le 3 avril à la MJC des Forges et une exposition du 3 avril au 15 mai. Voilà pour la partie galerie de la MJC des Forges. Très bien. Tiens, c'est vrai qu'on parlait des Dead Stereo Boots qu'on adore. Est-ce qu'on peut passer un morceau, un petit morceau pour juste entendre de quoi il s'agit, peut-être pour votre festival? C'est 3 et 4 avril. Oui. Et on se retrouve juste après pour la dernière partie de l'émission. Tu avais encore une question pour Anne-Laure ou non, Anne-Laure, non. Est-ce que tu seras présente tout à l'heure pour les dédicaces de Ah bah de oui, je ne veux pas louper ça. Tu vas pas louper. D'accord. Je serai la première en plus. Tu vois, j'avais encore une question. Oui, c'est bien. Allez, rapidement, Dead Stereo Boots, My Breeze. Ça fait un peu de bruit, mais on aime bien. On se retrouve juste après, bien sûr, pour cette fin d'émission. De sortez vos oreilles. Cerro Boots, My Breeze. Ah, ça envoie, hein, ça. Benoît, tu. Je suis fan. Comme ça. Ah non, mais franchement, oui. Ah, ouais, j'aime bien aussi. Le guitariste était venu faire une première partie acoustique de justement Tiffen Wary, qui était produit avec la même hystérique. Oui, et il était venu faire un set acoustique, donc c'était vraiment sympa d'être Cerro Boots acoustique. Voilà. On les salue, les Cerro Boots, qu'on aime beaucoup. C'est un duo, hein, c'est un duo local. Et on les aime beaucoup. Il est... Ouh, le temps avance, il est bientôt 17h. Il nous reste encore, 10 bonnes minutes ensemble. Ah oui, avec, on vous parle encore. Tiens, dans notre rendez-vous à venir, c'est les 3 Days. Le festival 3 Days, qui, pour la 4e édition également, les 1, 2, 3 juillet 2015, qui est, pour le coup, un partenariat entre la MJC des Forges et la MJC Pichon, un festival qui est organisé à la MJC des Forges en plein air. Qu'est-ce que c'est que le festival 3 Days? Ce sont 3 jours de programmation de musiciens amateurs, tous les groupes, voilà, tous les styles jouent sur scène pendant 3 soirs. Alors ça va de la petite formation du trio classique ou big band de jazz, en passant par le rock fiévreux, etc. Et puis également tous les âges, parce qu'on a des groupes, on accueille des groupes qui sortent de leur cave et qui jouent pour la première fois sur scène à ce festival-là, et puis des groupes plus rodés qui viennent également se produire sur scène. On vous parle du festival 3 Days parce que tous les groupes peuvent s'inscrire jusque fin mai à ce festival, en tout cas postuler. Il y a sur le site de la MJC des Forges, MJC-des Forges, à la rubrique Festival 3 Days, un formulaire que vous pouvez remplir en ligne ou télécharger comme vous le souhaitez. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Vous postulez et puis en fonction de la programmation, on vous retiendra ou non pour ce festival là qui se déroulera donc les 1, 2, 3 juillet 2015 à Nancy. C'est toujours un événement sympa. Il y a une grosse scène, enfin il y a plusieurs scènes, il y a du monde, il y a des techniciens, vraiment. On essaie d'accueillir les musiciens amateurs dans le meilleur cadre et de faire écouter tout leur talent à un public de plus en plus large. Voilà. Le festival 3 Days, les 1, 2, 3 juillet 2015. Les inscriptions, c'est maintenant. N'hésitez pas, vraiment. Et j'engage vraiment les groupes qui débutent, hein, qui sont peut-être à leur première répétition, à monter sur scène dès à présent et à faire écouter leur musique. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet sur le festival 3 Days, Steve. Bah, parfait. On continue avec bien sûr encore des événements dans nos MJC respectives et aussi, j'aime à vous le préciser, toujours. Et d'ailleurs, les nouveaux cycles cuisine, hein, parce que peut-être que vous allez commencer à préparer pour ce soir. Les petits plats au quotidien, cuisine créative au quotidien animée par Bertrand Hans. Les samedis 11 à avril, 16 mai, 6 juin et 20 juin, mais ça on en reparlera. Mais déjà donc le samedi 11 avril, de 10h à 12h, vous pouvez vous inscrire auprès de la MJC évidemment. Petits plats au quotidien, également la cuisine végétarienne animée par Dominique Longuet. Et ça sera à partir du mois de mai, vous pouvez déjà y réfléchir évidemment. On continue avec les expositions jusqu'au 11 avril, en passant par le Mali, Goutte d'Afrique par Gérald Krebs, et du 27 avril au 16 mai, Babal et Lignes jaunes, dessin de Catherine Créange. On continue avec de la naturopathie, prendre soin de son animal de compagnie au naturel, chat et chien, c'est le jeudi 9 avril de 9h30 à 11h30, animé par Laetitia Adilabio Courcel, naturopathe. Et pour les causeries illustrées du cercle Garenne, proposé par Roger Mozovic, la forêt vosgienne par Claude Vatrin, journaliste, et Denis Bringard, autant pour moi, photographe, mardi 7 à 18h30 et le mercredi 8 avril à 20h30. Et pour toi, Benoît, d'autres petites choses à nous préciser? Moi, je vais juste vous rappeler tous les concerts ce soir. Fabrice B, Pierre-Alain Lagouache à l'auditorium Michel Pierson, un concert à ne pas manquer, un concert inédit ce soir à 20h30, de l'accordéon et du piano, deux musiciens talentueux, Fabrice B et Pierre-Alain Lagouache à 20h30 à l'auditorium Michel Pierson, à une autre création, les Shoplifters, le jeudi 16 avril, et puis entre-temps, le 10 avril, un récital de piano, et puis après on se retrouvera début mai pour encore de nouvelles choses. Remanier, hein. Et encore plein de concerts dans nos maisons, avec notamment, si je pense à, voilà, on aura de la musique de la Réunion, on aura également de la pop, du gospel, plein de choses en mai, et des auditions également des écoles de musique. Ça fait penser aussi, je pense, à, et donc on a salué, c'est Isabelle Margot qui propose par Margot Initiative, Forum Moi et Ma Santé avec le professeur Zanad, qui est cardiologue au CHU de Nancy. Comment garder son cœur en forme, sport, alimentation, tension, stress, apprenez à réduire vos facteurs de risque. Ça se passe le jeudi 9 avril à 18h également à Pichon. Et on vous le rappelle donc, cette semaine à venir, c'est de l'humour avec Fabienne Durand, vendredi soir. Samedi soir, Laurent Arnoux, le Strasbourgeois, qui fera son zénith la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à prendre de place sur www.mgcpichon.com. Et également les frères Koukouniov. Ça, c'est du jeune public, c'est jeudi 23 avril de mémoire, c'est ça, à 10h et 15h, voilà les beaux rendez-vous à venir. Et donc, ce que tu disais, toi, Trio Iwar, à voir le vendredi 10 avril. Également, oh oui. Les frères Koukouniov, moi, ça me fait penser à la dédicace de ce soir d'Amanda Lear. Amanda Lear qui est dans 10 minutes, 18h, 18h30, à Fadjet pour une séance de dédicace. Elle dédicacera son dernier album, mais peut-être davantage, qui sait. Fadjet, on vous redonne l'adresse 47 rue Charles III à Nancy. Oui. Et pour toutes les informations, vous appelez Fadjet, vous connectez sur le site fadjet.net et vous écoutez surtout l'émission 94.2 de Radio Fadjet. Voilà ce que je pouvais dire à l'heure actuelle, et je redis encore dans quelques l'émission qui suit, écoutez Arita qui nous présente son projet. Arita chante Lassa, c'est vraiment également un groupe à suivre comme on aime ici dans l'émission. Sortez vos oreilles. Et est-ce que je peux oui, parce que on parle du mois prochain, mais la date de l'émission du mois prochain est à le 6 avril. Le 6 mai, mercredi 6 mai. Tu as vérifié. On se retrouvera. C'est pas un jour férié. On se retrouvera le mercredi 6 mai. D'accord. Parfait. Bah, si tu le dis, c'est avec plaisir. Et c'était, ce sera le 6 mai, exactement. D'accord. Voilà. Très bien. Bah, parfait. Est-ce que tout est dit? Tout est dit. Bien sûr, toutes les informations sur nos sites respectifs. Le site de la MJC des Forges. MJC-desforges.com, 03 83 27 40 53. Le site de la MJC Pichon. C'est MJCPichon.com, tout simplement. Et ils n'ont pas le téléphone. Si, ils ont le téléphone, bien sûr, mais je m'appelle pas, je nous appelle pas souvent, mais c'est 0183 37 62 91. Merci. On se quitte toujours avec la musique. Oui. Un petit court, bref, rapide d'Edser Boots encore. Très bien, très bien. On vous souhaite à tous un agréable mois d'avril et on souhaite vous recevoir rapidement dans nos salles respectives. Steve et moi. Avec plaisir. Merci Benoît. Bonne journée et bon week-end. Salut, ciao. Ciao.